l'école, je fis mes premiers pas dans un village où il n'y a pas d'école, où le soleil orangé se couche à l'horizon. Depuis les temps ont changé, les gens perdant la raison, ces gens deviennent ouf. Étrange, à coup de machette, j'irai ouf si le diable vend une paix qui s'achète. Comment après ça peux-tu ignorer le mauvais sort? C'est la table ronde des démons, nos enfants sont tirés au sort. Écoute, je te raconte, deux enfants d'une famille sainte sont nés aux yeux marrons. Je donne vie à Damien aimé, adoré tous pour leur pureté et leur innocence. J'aurais cru que Satan aurait pu ronger leur enfance, piller leur âme, dépouiller leur esprit, ainsi condamnés à vivre jusqu'à leur mort. Dans cette cité appelée damnée, ils étaient mal comme un gars qui inhale du gaz pour mourir, mal comme un gars enseveli vivant qui va pourrir. Ils ont craché sur une maman qui les a mis au monde, et je me demande parfois si c'est Lucifer qui l'a fécondé. Tous les gens proches lointains, athées jusqu'au cou, ont pleuré à genoux et auront eu la foi jusqu'au bout. Crois-tu aux sortilèges qui ont percé ton enfance? J'y crois du fond du cœur, chaque jour j'en ai la preuve. Crois-tu en tous ces démons qui hantent parfois tes rêves? Je t'invite en enfer pour me nourrir de tes cendres. Crois-tu aux sortilèges qui ont percé ton enfance? J'y crois du fond du cœur, chaque jour j'en ai la preuve. Crois-tu en tous ces démons qui hantent parfois tes rêves? Je t'invite en enfer pour me nourrir de tes cendres. N'est des appâts, je pense, je ne sais pas, mais derrière se cache des questions à double sens, c'est ambigu. Mes yeux demandent à voir pour donner raison, voir une neige farine qui m'impose que l'hiver est une saison. Mais tout n'est pas si limpide comme un cristal qui vient d'Éden, souvent couché sur le beat. C'est dans l'intrigue que je peigne. Y'a un respect de magie noire en Afrique équatoriale où les gens remplis de haine se rangent dans le paranormal. Ici, ils en sont parano, d'autres en sont marabouts et te jurent d'avoir ce pouvoir de recoller bout par bout, de te dire où tu vas, qui tu es contre une poignée de dollars, et peuvent changer le cours d'un être à partir d'un polaroïde. J'avoue comme toi, je trouve cela bizarroïde. Et quand on m'en parle, la plupart du temps, je hausse les deltoïdes. Bref, je suis athée quand on dit que dans mes veines coule de la sève. Pourtant, je crois en F, même si ça n'alimente que mes rêves. Crois-tu aux sortilèges qui ont bercé ton enfance? J'y crois du fond du cœur, chaque jour j'en ai la preuve. Crois-tu en tous ces démons qui hantent parfois tes rêves? Je t'invite en enfer pour me nourrir de tes cendres. Crois-tu aux sortilèges qui ont bercé ton enfance? J'y crois du fond du cœur, chaque jour j'en ai la preuve. Crois-tu en tous ces démons qui hantent parfois tes rêves? Je t'invite en enfer pour